voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Dans cette émission radio, La Voix du Kaizen donne la parole à Anaïs, une productrice de plantes aromatiques et médicinales qui vit la simplicité volontaire. Peut-être l'avez-vous déjà vue sur internet et sur les réseaux sociaux. Alors Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, il y a eu ton nom partout, sur internet, sur les réseaux sociaux. Anaïs en va en guerre. Parle-moi un peu de cette aventure-là. Eh ben, en fait, c'est Marion Gervais, la réalisatrice, qui est venue me rencontrer dans mon champ à Saint-Suliac. Je venais juste d'arriver là-bas, en fait, pour monter mon projet. Et du coup, elle est venue me voir tout de suite pour me proposer de faire un film sur mon aventure. Et puis, moi, j'ai trouvé ça rigolo et... Je me suis dit que c'était une nouvelle expérience, donc je trouvais ça marrant. Et puis, mais jamais on aurait imaginé un tel retentissement. En fin d'année dernière, il y avait plus de 700 000 vues. Ouais, c'est complètement délirant. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans et puis je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. Enfin, je m'installe en tout cas, je suis en troisième année d'installation. Et puis, voilà. Enfin, mon travail me prend tellement de temps pour l'instant que... En dehors de ça, je fais pas grand-chose. J'ai pas d'autres choses, beaucoup qui me caractérisent, mais... D'où vient ce projet? Pourquoi les plantes? Pourquoi la terre? Pourquoi l'agriculture? Un peu toi, reviens sur ton itinéraire personnel. Et en fait, j'ai toujours été attirée par les plantes et les odeurs surtout. Et c'est en fait à l'adolescence, j'ai découvert un peu les huiles essentielles et j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Du coup, ça m'a rapproché un peu des plantes médicinales et par la suite, j'ai fait une formation d'herboriste. Et du coup, c'est pendant cette formation où, avec la RH, j'avais un stage à faire en deuxième année. Et du coup, j'ai rencontré un producteur de plantes aromatiques à côté de Quimper. Et cette rencontre a changé beaucoup de choses parce que le producteur, enfin Gérard, c'est quelqu'un de passionné et passionnant. Et puis, il m'a montré que c'était faisable de s'installer en production de plantes comme ça. Même une femme, même toute seule, même en Bretagne. Et il m'a montré que c'était faisable et il m'a beaucoup encouragée. Et du coup, suite à ça, j'ai fait la formation agricole. Et puis voilà, je me suis lancée. Donc voilà, tu décides de t'installer, de créer ton entreprise. Comment ça se passe? Comment tu t'y es prise? Parce que j'imagine qu'il faut trouver un terrain, il faut trouver un lieu, il faut... peut-être besoin de capital aussi pour pouvoir se lancer. Donc parle-moi un peu de cette aventure-là. Et c'est vachement compliqué l'installation agricole. Moi, je suis dans le parcours à l'installation là, depuis 3 ans maintenant à peu près. Et faut d'abord trouver de la terre, mais c'est ce qui est le plus compliqué au final. Moi, je viens juste de signer un compromis. Là où je suis maintenant, je suis en location, donc j'ai pas assez de surface. J'ai plein de plants là que... J'ai même pas eu la place de planter cette année, donc j'étais un peu bloquée là, au niveau de la surface. Et c'est loin d'être terminé encore, quoi. Là, je suis dans les papiers, faut que je fasse les permis de construire pour rénover la maison. Enfin, c'est tout un tas de paperasse d'administration. C'est hyper long, hyper compliqué, ouais. C'est vrai que j'avoue, l'installation, c'est pas simple. Après, pour s'installer en production de plantes, en dehors de tout le côté administratif et tout ça... Il n'y a pas besoin vraiment de capital. Enfin, moi, au tout début, j'ai investi un tout petit peu pour la serre, pour la pépinière et puis pour le séchoir. Mais j'ai investi 3000 euros quoi, la première année. Et après, tout l'argent, je n'avais même pas de sécateur ni rien du tout. Du coup, tout l'argent que je gagnais avec les plantes, je le réutilisais pour acheter du matériel. Quoi. Du coup, mais je suis partie avec 3000 euros à la base. Ouais. Et là, par contre, si j'achète le terrain avec la grange, la maison, etc., là, je vais devoir emprunter de l'argent, mais... Mais j'ai pu commencer mon travail sans investir, quoi. Donc, est-ce que tu arrives aujourd'hui à t'en sortir économiquement, à payer la location et puis tirer un salaire pour toi pour pouvoir planifier, faire des projets, continuer à développer ton entreprise ? Pour l'instant, pas encore, mais c'est très positif. Enfin, c'est très encourageant, surtout l'année dernière. Du coup, vu que j'ai eu beaucoup de publicité avec le film, ça m'a ramené beaucoup de clients aussi. Donc, j'ai bien vendu l'année dernière. Donc, a priori, ouais, dans un an ou deux, je pense que je devrais atteindre le SMIC, vrai, quoi. Moi, c'est ce que je vise de toute façon. Ouais, je ne vise pas à développer plus après. J'adore ce que je fais et je suis très heureuse dans mon champ. Après, j'ai du mal à tout gérer en même temps. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout de temps en dehors de mon travail. Et C'est vrai que c'est pas tous les jours simple parce que bah, y a de la fatigue, y a du stress, de la pression, des choses comme ça et je suis assez sensible, du coup je réagis vite à tout ça. Mais moi, le parfait équilibre, ce serait de continuer ce travail et juste en ayant un peu de temps pour faire autre chose à côté, quoi. Alors, c'est vrai que tu... bah oui, forcément, là, je vois, donc tu t'occupes de tout. Tu plantes, tu récoltes, tu fais le séchage, tu fais l'administratif, tu gères la paperasse, t'envoies les commandes. C'est pas un peu beaucoup ? Si, c'est un peu beaucoup, justement. C'est pour ça que c'est compliqué de tout gérer et en même temps... En même temps, c'est faisable, c'est juste qu'il faut que j'arrive à m'organiser et puis bah, j'apprends encore et je vais prendre longtemps. Et du coup, il faut que j'arrive à simplifier mes tâches en fait, pour gagner un peu de temps sur chaque truc parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail manuel surtout. Presque tout est fait à la main, donc il faut réussir à trouver des petites techniques pour gagner du temps. Et puis ça va être avec l'expérience aussi que je vais réussir à m'organiser mieux. Quoi. Mais je pense que j'arriverai à produire la même chose en moins de temps plus tard. Quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Anaïs, c'est quoi pour toi la simplicité volontaire ? Est-ce que tu t'y retrouves ? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie te rencontrer par rapport à ces termes-là ? Eh ben oui, parce que simplicité volontaire, enfin moi je vis très simplement et ben, moi j'entends beaucoup simplicité mais... Ou sobriété heureuse. Ah, oui, c'est oui, le fait de vouloir vivre dans la simplicité quoi, volontairement. Et ben, ouais, moi ça me parle. Enfin, personnellement, j'étais habituée à vivre avec pas grand chose, donc je suis heureuse de pas grand chose aussi, quoi. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir, de posséder X trucs pour être bien, en tout cas. Qu'est-ce que tu n'as pas ? Bah, tout. Enfin, si on se compare avec les autres, oui, j'ai pas de téléphone où on fait je sais pas quoi dessus, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'écran plat, j'ai pas de belle voiture, j'ai pas tous ces trucs-là, quoi. J'ai pas de trucs de marque, je sais pas ce que j'ai pas, mais. Ouais, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, bah pas grand-chose non plus. Une voiture pourrie. Ouais. On va revenir sur tous ces trucs que tu n'as pas. Mais pourquoi tu les as pas ? Pourquoi t'as pas de tablette ? Pourquoi t'as pas d'écran plat ? Pourquoi t'as pas de super bagnole ? Pourquoi ? Bah parce que je m'en servirais pas, quoi. Enfin, la voiture, si, je m'en servirais, mais j'aurais pas les moyens de l'entretenir de toute façon. Et puis, je vois pas l'intérêt, en fait, de mettre de l'argent là-dedans. Et les autres trucs, c'est pareil, quoi. Enfin, j'ai bien un ordinateur, hein. Je regarde des films aussi, des choses comme ça, mais bah, je regarde pas la télé, déjà, donc j'ai pas besoin d'écran. Enfin, en dehors de mon ordinateur, la tablette, c'est pareil. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps, moi, à passer sur Internet où j'y vais pour le travail le matin et le soir, quoi. Mais sinon, je m'en servirais pas, quoi. C'est comme Internet sur mon téléphone portable, ça me sert à rien, quoi. Je suis tout le temps là. Je peux m'amuser à regarder mes mails dans mon champ, quoi. Enfin, c'est un peu idiot, je trouve. Enfin, c'est après, je vis dans un monde particulier aussi. Hein. C'est vrai qu'à la campagne, c'est pas pareil. On n'est pas sollicité des mêmes manières, on n'a pas les mêmes envies. Enfin, on est moins agressé par toutes ces choses qu'on veut nous faire acheter en ville. C'est pas... Je pense que c'est plus facile de vivre dans une simplicité volontaire à la campagne qu'en ville, pour le coup. Parce que, enfin, je suis comme tout le monde. En ville, j'ai tendance à avoir envie d'acheter des trucs, quoi. Enfin, comme tout le monde, je pense qu'on est toujours... On nous montre des trucs partout tout le temps, on nous fait croire qu'il nous faut qu'on ait ça et ça et ça pour être bien et on finit par céder à la tentation quoi, mais ça pour moi c'est important d'être à la campagne et de au calme quoi. Moi je supporte pas la ville, enfin j'aime bien y aller de temps en temps en vacances justement, ça me change, mais au quotidien je trouve ça épuisant, stressant, c'est ouais fatigant quoi. Je vois pas, puis les gens, je trouve qu'au final on croise plein de gens en ville mais les gens ils se parlent pas, je sais pas, j'aime pas trop les ambiances moi dans les villes. Et j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, donc j'ai jamais eu de l'argent à dépenser vraiment. Donc je me suis... Enfin, quand on n'a rien, on se pose pas la question de savoir si on peut acheter. Parce qu'on sait qu'on peut pas. C'est pas mal aussi. On n'a pas de questions à se poser comme ça. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Donc, ce que tu es à ta place, tu te sens à ta place aujourd'hui dans ce que tu vis au quotidien, dans ta réalité quotidienne ? Oui, ouais, je me sens bien à ma place dans mon champ, enfin dans mon activité professionnelle, mais bon là j'ai un petit coup de mou en ce moment parce que je suis fatiguée, enfin j'arrive en milieu de saison à peu près et du coup je commence un peu à fatiguer. Après je me dis que le projet il est en train de démarrer comme il faut, enfin bien, et que le jour où j'aurai réussi à démarrer ce truc là et que je pourrai travailler un petit peu moins, bah là je serai heureuse parce que j'adore ce que je fais, donc il me manque juste en fait le à côté du travail quoi. Mais c'est quoi le projet ? Eh ben le projet, enfin il est déjà en cours, hein, mais c'est de produire des plantes médicinales, enfin de les cultiver, de les faire sécher, de les vendre, et puis voilà, c'est surtout ça le projet. Après, enfin moi j'imagine dans le projet du coup d'avoir tout un endroit, mon champ avec ma maison et mon petit truc quoi, un endroit où je suis bien et où on peut fabriquer tout ça C'est surtout ça le projet, ouais. Après, bon, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être envisageables. Et tu t'es aidé dans ton quotidien, dans tes champs, dans les préparations, dans le séchage? Ouais, bah, j'ai eu pas mal de stagiaires, déjà qui m'ont filé un petit coup de main. J'ai mon père qui vient m'aider de temps en temps dans le champ. Ma mère plutôt pour l'administratif ou faire les sachets. Elle aime bien faire ça aussi avec moi. J'ai eu mon petit frère aussi qui vient régulièrement. Il vient 2-3 semaines tous les ans me filer un coup de main aussi. Et puis et voilà, sinon après, bah, si j'ai de l'aide et du soutien de Christophe, c'est un ami maraîcher. Avec qui j'échange encore toutes les semaines, enfin, on s'entraide beaucoup. Et puis, enfin, voilà, dès que j'ai une question technique ou quelque chose là, pour la rénovation de la maison, c'est lui qui va en faire beaucoup, quoi. Enfin, qui va beaucoup voir comment on va s'y prendre, etc. Quoi. Mais ouais, heureusement que j'ai ces gens-là autour de moi. Et puis, bah, j'ai mon voisin aussi qui me file un coup de main de temps en temps. Enfin, des fois, il passe la tondeuse ou des fois, il fait des livraisons souvent pour moi, des choses comme ça, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on y a un bon petit réseau ici de producteurs et du coup, bah, tout le monde s'est un peu aidé à s'installer. Donc, c'est chacun son tour, quoi. Moi, je pourrais aider d'autres plus tard à s'installer aussi. C'est bien cette complémentarité. Hein. Tu l'as plus tellement dans les villes où c'est chacun pour soi. Ouais. En la campagne, tu retrouves encore ce côté, c'est dur, donc on s'entraide. Ouais, je sais pas si on le trouve partout. Parce que je pense que c'est assez particulier quand même et moi je trouve ça hyper intéressant. Enfin, par exemple, les maraîchers, ils ont fait un groupement d'employeurs. Ça leur permet d'embaucher deux personnes qui se partagent le boulot entre les maraîchers alors qu'ils ne pourraient pas chacun embaucher quelqu'un. Par exemple, pour ça, pour les outils, du coup, ils ont chacun un tracteur, mais ils ont tous les outils. Chacun a emmené un outil en arrivant dans la ferme. Enfin, ils ont chacun leur ferme côte à côte, mais du coup, ils mutualisent le matériel. Enfin, il y a plein de possibilités de faire des choses à plusieurs, ça simplifie la vie de tout le monde, quoi. Mais après, faut pas avoir peur de la concurrence, etc. Enfin, par exemple, moi, je vois ici, ça le fait très bien. Mais j'ai une stagiaire qui était venue, elle était dans les roues, et elle me disait que là-bas, les gens, ils se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur de la concurrence et ils sont tellement nombreux déjà qu'ils cèdent pas, quoi. Au contraire, ils ont plutôt tendance à ne pas du tout céder et à plutôt empêcher les autres de s'installer, quoi. Donc je pense que c'est pas partout pareil, ouais. Le modèle économique, on en a un petit peu parlé, donc en fait c'est la vente sur les marchés, sur internet, comment tu t'y prends, c'est juste la vente, hein, c'est ça, de tes infusions, donc de tes tisanes. Oui, bah du coup je vends pas beaucoup sur les marchés, je fais que les marchés de Noël, par manque de temps surtout, parce que je vends pas beaucoup sur les marchés, donc vu que je suis toute seule, bah, je préfère garder le temps pour produire les plantes d'abord. Et je vends un petit peu par internet, j'ai même beaucoup vendu l'année dernière... du coup par internet et dans des boutiques autour de chez moi en fait. Je vends beaucoup comme ça, ouais. J'ai fait moitié-moitié à peu près l'année dernière. Des petits trucs pour dépenser moins. Bah après on n'est pas tenté, hein. Enfin moi je suis toute la journée dans mon champ donc techniquement j'ai pas de temps rien que pour aller acheter des trucs donc ça va mais du coup j'aime pas faire les courses donc c'est pareil. En général je fais ça vite fait et puis j'y vais une fois par mois ou choses comme ça mais bah moi je fais du troc beaucoup. Avec mes tisanes, donc ça réduit le coût de ce que j'achète aussi, quoi. Mais ouais. Avec les autres, quand on va sur des marchés, bon, pour le marché de Noël, c'est souvent qu'entre commerçants, bah, moi j'achète un pot de confiture et je vais le payer en tisane, par exemple, ou on fait des échanges un peu comme ça, quoi. Après, c'est pareil avec mes amis maraîchers, ils me font du pain et des légumes, moi je leur donne des tisanes, enfin après on fait des... Jusqu'où tu arrives à pousser le troc, hein? C'est que sur l'alimentaire, donc là tu parles de pain, de confiture, qu'est-ce que tu troques? Bah surtout pour ça, en fait. Sinon, ouais. Ouais, c'est souvent ça. Après, dans l'absolu, ça pourrait être fait avec tout. Enfin, j'ai une amie qui est venue me masser, par exemple, une fois. Et elle me dit, bah, tu me donnes ce que tu veux. Du coup, je vais donner des tisanes, quoi. Mais, par exemple, enfin, après, ça pourrait être... ouais, ça pourrait être avec plein d'autres choses. Bon, faut avoir quelqu'un qui aime les tisanes en face, parce que j'ai pas beaucoup d'autres trucs à troquer, quoi. Tisanes et tisanes d'Anaïs. Voilà, donc on en a aujourd'hui, là, dans la tasse. Fais-moi un petit peu le tour d'horizon de tout ce qu'on peut trouver dans le champ là-bas, dans la serre ici et dans le jardin ici. Eh ben, y a plein de plantes différentes parce que j'en fais à peu près une cinquantaine. Donc, ouais, y en a une quarantaine, je dirais, dans le champ, parce qu'il y en a un peu en cueillette sauvage quand même. Et sinon, bah, dans le champ, dans les serres, il y a du basilic beaucoup. Il y a quatre sortes de basilic et de la citronnelle. Parce que ça, dehors, c'est compliqué à faire pousser, surtout les citronnelles. Et après, bah, dans mon champ, il y a différentes menthes, de la mélisse, la verveine citronnée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la marjolaine, matricaire, camomille romaine, il y a les fleurs, la mauve, le souci, coquelicot, qu'est-ce que j'ai dit, bleuet, il y a les scholzia aussi pour dormir, il y a... qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, en sauvage, il y a l'aubépine. En sauvage, il y a l'aubépine, le sureau, la reine des prés, le frêne, la prêle, je crois que c'est tout, et l'ortie. Et puis après, dans le champ, il y a aussi du cassis, il y a de la lavande, du romarin, de la guimauve, de l'hysope, de la sarriette, du thym citron, de l'estragon, du framboisier. Pourquoi en faire autant? Pour pas faire une monoculture de menthe, par exemple? Ça pousse bien, ça serait pratique, non? Bah, c'est chiant. Je m'emmerderais, je pense, vraiment. Hein, parce que la monoculture, souvent, c'est récolté à la machine. Les mecs, ils font que du tracteur, en fait, toute la journée. Et je suis pas, moi, je n'aime pas le tracteur. Ça fait, j'en fais quand il y a besoin, mais ça fait du bruit, ça pue. Je trouve pas ça très agréable. Si je suis pas obligée, ça me va de pas en faire. Non, ce que j'aime bien la diversité, c'est que bah, justement, c'est chouette. Je change tout le temps d'activité, quoi. Enfin, même si je passe tout mon été à récolter, quand j'en ai marre de faire une plante, si c'est possible, je change, quoi. Ça, c'est chouette. C'est pour ça que j'aime bien faire plein de... Enfin, que j'aime bien faire ce travail-là, parce que c'est hyper diversifié, et du coup, je m'ennuie jamais, parce que je peux me permettre de faire des activités qui durent 2 heures, par exemple, et j'en ai marre, je change. C'est l'avantage d'avoir tout à faire toute seule. C'est que j'ai la possibilité de choisir ce que je peux faire. Puis j'aime bien transformer les produits, les plantes. Bon, je le fais plus parce que j'ai plus le temps, mais avant, je faisais tout le temps des sirops, des crèmes, des baumes, des trucs comme ça, quoi. Je fabriquais plein de trucs, des vins, des huiles, macération, des trucs comme ça. Tu peux faire plein de trucs. Avant de m'installer, du coup, quand on me demandait ce que j'allais faire, bah, je racontais que j'étais en formation agricole ou d'herboriste ou machin, et que je voulais faire ça, et ça interpelle beaucoup les gens, parce que c'est pas courant, et du coup, les gens, bon, et qu'est-ce que tu vas faire avec tes plantes? Bon, du coup, on me pose toujours les mêmes questions. Et j'avoue que même des fois en soirée, ça peut m'arriver de dire que je suis serveuse juste pour peu qu'on me parle de mon travail, mais parce que j'en ai marre de répéter la même chose tout le temps. Au bout d'un moment, c'est fatigant, mais les réactions sont positives, quoi. Après, je pense que j'ai entendu des réactions négatives, mais les gens se gardent de me le dire en général. Je les entends par d'autres, mais parce que les gens des fois pensent que je rêve et que j'y arriverai pas, quoi. Et du coup, ils essayent de me dissuader, mais bon. Ils se rendront compte qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, et puis que voilà, après, ben bref. Mais au niveau de ma famille, je pense qu'au début, ça les a un peu inquiétés. Enfin, dans le sens où je partais sur un truc où c'est loin d'être sûr que j'y arrive, etc. Alors que bon, j'aurais pu aller faire des études, trouver un boulot simple, enfin, entre guillemets, alimentaire, et puis gagner du pognon, et basta, quoi. Et je pense qu'au début, ça les a un peu inquiétés, et en fait, bah, maintenant, ils sont contents de voir que je me plais dans mon travail, même si je suis un peu fatiguée, et que bah ils sont contents aussi. Enfin, je pense que le film surtout nous a vachement rapprochés, en fait, parce que bah ils étaient super contents de voir à quel point tous les gens m'ont encouragé et m'ont félicité, et du coup ils l'ont pris un peu pour eux, je pense, et du coup ils étaient contents et fiers de ce que je peux faire, quoi. Mais ça nous a beaucoup rapprochés, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu y arrives? J'en sais trop rien. Je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé, même si je trouve que j'ai du mal à m'organiser. Je le suis quand même de base, donc je pense que c'est quand même un atout, même si je manque encore d'organisation. Après, je suis très speed, donc je peux travailler assez vite. Donc ça peut être bien aussi, parce qu'on a tellement de choses à faire que si on peut aller un peu plus vite que d'autres, c'est mieux. Enfin, ça va plus vite, quoi. Après, je sais pas, il faut un milieu de compétences différentes pour faire ce travail, donc c'est assez... je suis très méticuleuse, et j'adore le travail, enfin, j'aime faire le travail, quand je fais quelque chose, il faut que je le fasse bien, quoi, sinon je vois pas l'intérêt. Je peux pas faire un truc par-dessus la jambe, ça me plaît pas. Quel que soit mon travail, même quand j'étais serveuse, fallait que je fasse tout très bien, sinon ça allait pas, quoi. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les 2 mois.